says the same, but I mean it. Clear my head without my best friend. I told a stranger today. Madame Roche, je sais bien qu'aujourd'hui, c'est l'auteur qui est en vous qui reçoit nulle part ailleurs pour nous causer de Ninon de l'Enclos, votre égérie, si je puis dire. Et oui, Géry. Tell your friends

Madame Roche, je sais bien qu'aujourd'hui c'est l'auteur qui est en vous que reçoit nulle part ailleurs. Pour nous causer de Ninon de l'Enclos, votre égérie, si je puis dire. Et oui, j'ai ri. Mais moi, c'est à Madame France que j'aimerais m'adresser, vu que je faisais partie des 25% de Français qui se tapaient cette poussive émission baptisée Sexy Folies, où l'on voyait principalement des secrétaires à cortes, j'en conviens, enlever leurs chaussettes avec la lascivité de femelles hippopotames blessées à mort par les charges intempestives et déplacées d'éléphants dyslexiques. Éléphants qui ne cherchaient pourtant qu'à glisser leurs cartes, persuadés d'être dans un Centrafrique. Mais je m'égare. 25% de Français, disais-je donc, qui se tapaient cette émission en nourrissant, non pas leurs vieux parents malades, mais le fol espoir de vous entendre dispenser ces inimitables conseils, nés de dizaines de milliers d'expériences que telle l'abeille laborieuse, vous butiniez, compulsiez, malaxiez, pétrissiez, jusqu'à en extraire le précieux pollen. Or, si à l'époque j'avais le privilège de travailler sur la même chaîne que vous, pas celle qui n'en a qu'une, l'autre, il se trouve que jamais je n'ai réussi à vous exposer mon épineux problème. Je me rattrape donc aujourd'hui avec la bénédiction de Philou qui croit que cela suffira à chasser de mon esprit l'envoûtante présence de Maryse. Mais il se trompe. Voilà, quand je mange des nouilles, ça me fait mal aux couilles. Pardonnez-moi, je crois que c'est la fiche portrait du docteur Soubiran. Ah, voici la bonne. Vous connaissez mon métier, Madame France, je présente des émissions à la télévision. Eh bien, il se trouve que je ne peux plus avoir de relation biblique avec la gente féminine, et pas seulement les aubergines, sans avoir mon récepteur allumé. Mais pas sur n'importe quoi. En effet, il m'est indispensable pour accéder au plaisir de sentir dans mon dos la réconfortante présence d'un de mes confrères, à l'exception toutefois de Pascal Sevran. Mais enfin voilà, sans Philippe, Patrick, Michel, Jean-Pierre, Christophe, voire même Nicolas, mais seulement en tant que culot, rien ne se passe. Que faire, Madame France, que faire? Mon sort et mon sort seul, qu'aimons-nous, est entre vos mains. Yeah! sugary tennis and candy snacks at night. Sleep till whenever, doesn't matter if it's getting bright. But now I'm waiting on my horrible warning. Waiting on my horrible warning. Never thought about you're actually halfway through life. Emotional labor piled up on the waves. Back's thrown out, just trying to tie my shoes. Play punk, now I'm just singing the blues. Just waiting for a headache that never goes away. Waiting to have my children come to visit me. All it takes is one test to find out that it's my time. You see, I'm extrait de Hervé Bazin par Antoine Decaune et Albert Algout. Quitte à paraître de mèche avec Hervé Bazin, je voudrais tout d'abord m'extasier sur son style capillaire que nul ne saurait pasticher. Oui, saluons cette coupe d'artistes qui réconcilie les exigences de la tradition et les audaces esthétiques de l'avant-garde. La tradition, taillée au bol, Bazin semble sorti d'une miniature du Moyen-Âge. Il ne manque que la robe de bure et la tonsure pour faire de lui un moine de boîte de camembert, à lunettes, le look chaussé au moine. Et l'avant-garde? Ou ce qu'il en reste, disons que sa seule participation à la littérature expérimentale, c'est d'être coiffé comme Philippe Solers. De même qu'il réconcilie les époques, Bazin fait l'unanimité des générations de 7 à 77 ans. Ainsi l'autre jour, alors que je rendais visite à mon arrière-grand-oncle qui est grabataire à l'hospice de Moisy-les-Glands, j'ai eu la bonne surprise de l'entendre me dire « Je t'en supplie mon petit, passe-moi le Bazin ». Unanimité partout. En 1973, Hervé Bazin se voit confier la présidence de l'Académie Goncourt, qui, avec l'Académie des Neufs et celle de Billard, contribue ardemment au rayonnement culturel de la France dans le monde. Ce n'est pas trahir un secret sur les mœurs de cette institution octogénaire que de révéler les conditions dans lesquelles Hervé Bazin fut élu président de l'Académie Goncourt. En 1973 donc, au sortir d'un repas copieusement arrosé chez Drouan, chaque sociétaire accepta de se soumettre, double décimètre à l'appui, à des tests comparatifs. Il s'avéra qu'avec Hervé Bazin, l'Académie comptait incontestablement son membre le plus vigoureux et le plus fécond. Qu'on juge un peu le palmarès de ce créateur infatigable qui, tout au long de sa carrière prolifique, a montré une efficacité exemplaire lorsqu'il s'agissait de tremper sa plume. 4 mariages et 8 enfants. Rien d'étonnant donc dans le fait que depuis 1974, sous sa présidence, les Goncourt aient décidé d'offrir des bourses. Certes, moins marital qu'Eddie Barclay, mais beaucoup plus génital, Hervé Bazin devrait susciter davantage d'admiration que le papet montant, sur les exploits duquel les médias s'extasient exagérément. Soyons plutôt fiers d'Hervé Bazin, qui nous insémine son exemple depuis 55 ans. Il pourrait faire sienne la devise gravée en tête de son gros engin de travail, et je parle du Grand Larousse, « Je sème à tout vent ». Oh, kissed your lips and I tasted blood. After what happened, then you said there'd been a fight. Portrait de Michel Boujna par Albert Algou et Antoine Decaune. Quand il était petit, Michel Boujna était très petit. Très petit et grassouillet. Et de plus, il était affligé d'une très grosse tête. Comme il venait de Tunisie, il masquait cette difformité sous un fez double, ce qui équivaut à une bonne paire de fez. Pour se moquer de lui, ses camarades l'appelaient Boujnabé ou le petit Poussin. Un jour, un grand satyre entraîna même le petit Poussa et ses trois frères au fin fond du bois de Boulogne pour les perdre. Heureusement, Michel avait semé des grains de semoule et des merguez cachères tout au long du parcours. Et finalement, il réussit à retrouver au bout du sentier son oncle, marchand de pantalons. Avec le grand satyre, Michel est confronté à l'intolérance envers les petits. Il comprend toute la bassesse du racisme antinin et décide alors de militer à SOS Nanisme, un mouvement qui soutient le droit des nabos à la différence, une organisation qui lutte contre les coups assénés aux naines et aux nains qui voudraient s'élever. C'est à SOS Nanisme que Michel nouera d'ailleurs une solide amitié avec un inconnu, Philippe Gildas, qui lui présentera Maryse, avec laquelle il présentera une émission sur Europe Nain. Mais si le militantisme naniste a ses hauts, il a aussi ses bas. Au terme d'un concert donné par SOS Nanisme au profit des pygmées sud-africains, Michel est renversé et mordu par un basset. Hospitalisé aux enfants malades, Michel alerte la Ligue des droits du gnome qui l'assure de sa protection, mais sans résoudre pour autant l'autre pesant problème qui l'oppresse, à savoir la difficulté à trouver la femme de sa vie. Désormais, confiant dans l'efficacité des organismes de soutien, il adhère donc à SOS Onanisme. Cette association humanitaire, sponsorisée par une importante marque de mouchoirs en papier, met son standard à la disposition des onanistes à tous ces solitaires qui ont besoin d'un coup de main. Comme Michel à la tchatche, on lui confie le standard. Nuit et jour, des appels affluent, tous poignants. Avec beaucoup de doigté, Michel enseigne le geste qui sauve. Il explique que la masturbation ne rend pas forcément sourd. Quant aux sourds, ils trouvent à SOS une oreille attentive, celle de Michel. Un soir, armé d'une patience inébranlable, il déculpabilise un nain onaniste qui croyait que les jeux de nains sont des jeux de vilains. Doué d'un culot terrible, il arrive même à réconforter un homme tronc qui baissait les bras. « Pour toi, lui confie Michel, je ferai des pieds et des mains. » Une phrase qui résume tout Boujna et qu'il applique aujourd'hui avec la même frénésie au public tout entier. We'll be right back. extrait de Mylène Farmer par Albert Algou et Antoine Decaune. Chère Mylène, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Grâce à Antoine Decaune, je suis là en face de toi. Tu ne me connais pas, à moins que peut-être tu es déjà venu à la supérette de Burnes-sous-Noye où je tiens la caisse 14. C'est dans le magasin que j'ai entendu la première fois le Dix que tu chantais. C'était super, le rythme était super et les paroles super aussi. Ce qui est super, c'est que tu es un genre de princesse, mais pas comme Stéphanie qui est toujours nue en maillot et qui change tout le temps de fiancée. Toi, tu attends ton prince charmant comme la Belle au bois dormant et comme moi, sauf que moi, il risque pas de venir à la supérette ou alors c'est pas un vrai prince. Enfin, on verra, je te raconterai. Aussi, ce qui me fait super craquer, c'est que tu es vachement distingué. Pas comme cette pétasse de Sabrina qui fait rien qu'à sortir ses doudounes pour rendre fous les hommes qui sont si bêtes que même mon Maurice, cet idiot, il la trouve pas si mal. Je te jure, les hommes, faut se les faire. Ce qui me fait flipper enfin, c'est que tu as toujours tes beaux cheveux rouges tirés à quatre épingles et que tu es super bien maquillée, pas comme Jeanne Masse qu'on dirait qu'une bouteille de butagaz lui a pété à la gueule. Je sais plein de trucs super sur toi et j'y pense souvent. Je sais que tu vis avec deux singes et Laurent Boutonnat et aussi un pygmélion, mais je sais pas ce que c'est. Je sais même que ton singe préféré des deux, c'est Léon, celui qui aime les Gypsy Kings, quand il chante « Bande mon Léon ». Il paraît que tu vis dans le 17e et je voudrais te demander pourquoi, alors que dans tes clips, tu préfères le 18e et le 19e. Je voudrais savoir aussi si tu vas arrêter de mourir toujours tristement à la fin de tes clips, parce qu'à chaque fois, j'ai des larmes dans les yeux. Voilà, je dois te quitter parce qu'un client arrive, dissimulé derrière son gros caddie. Oh, mais c'est justement Monsieur Gildas. Oh, je ne résiste pas. Écoute ça, il a acheté un pyjama taille 16 ans, des mules à talonnettes compensées en 36, de la teinture rêvée color noir jeune, un tube de Stéradan, un tube de Minimir, 6 petits Suisses. Voilà, ça nous fait 112 francs 30. Vous avez que de la petite monnaie? Allez, chère Mylène, il faut que je m'en vais. Sois gentil, envoie-moi une photo avec ta signature, ça me fera super plaisir. Signé Josiane. Now hoping for the smile is mistake. So we can give some balance. Avant de vous résumer le film Prisonnière, il importe de dire deux mots sur sa réalisatrice, Charlotte Silvera, qui, les cinéphiles s'en souviennent, s'est fait une spécialité du film de QHS en tournant, Bagne Hard pour Bagnard, violée au violon, élargie et relâchée. C'est encore Charlotte Silvera qui avait réalisé Macaval au Canada, un film d'évasion palpitant, interprété par Lynn Renault. De la lime au barreau, il n'y a pas loin, et il est donc logique que Charlotte Silvera ait fait appel à Marie-Christine Barrault, que son nom prédisposait de toute façon à incarner des directrices de prison ou à la rigueur de grands avocats. Marie-Christine ayant déjà joué dans Un amour de Swann, la première tentative d'adapter à l'écran un roman de Proust, il était naturel qu'on lui confiât le rôle principal de prisonnière, qui est également l'adaptation au pluriel du roman de Proust que voici. Portrait de Marie-Christine Barrault par Albert Allemand. Every girl I meet look like Winona Ryder. Proust, qui s'est d'ailleurs beaucoup consacré aux prisons de femmes, puisqu'on lui doit encore des jeunes filles à l'ombre, que voilà. Mais revenons à nos matons. Prisonnière est un terrible huis clos dans lequel s'affrontent les détenus d'une prison pour femmes et la directrice interprétée par Marie-Christine. Marquée par son éducation chrétienne, elle voudrait apporter un peu de chaleur humaine à ses pécheresses. Après avoir abonné les détenus à la croix et à modes et travaux forcés, elle va jusqu'à surveiller de près le régime des prisonnières en distribuant de l'eau minérale dans les cachots. L'eau neuve de vos cellules. Hélas, l'univers impitoyable de la prison va briser Marie-Christine. Au cours d'un tête-à-tête avec Marie-Rose, une dure à cuire chevelue, femme à barbe homosexuelle condamnée pour insecticide volontaire sur ses propres morpions, Marie-Christine est violemment prise au parti. « J'aime pas qu'on me cherche d'époux », éructe Marie-Rose en ajoutant « Tu veux ma photo, maton ?» Ce cri de haine crépite comme un flash et fait basculer le film dans une horreur jamais vue, depuis La Vache et le Prisonnier et La Cage aux Folles. Aidée par Touze, qui joue une ravissante ravisseuse, Marie-Christine est alors prise en otage dans la cantine de l'établissement, où elle subit un horrible calvaire, sévices compris. Bernadette Lafont menace même de scier Barreau à l'aide d'une scie égoïne. Albert Albou. Favorite son, do you care just what he's done? They fill the street like burning coals under my feet. Carry the burden upon my back. Gets too heavy, instant I pack. Crucified for a public show. Exposed to him, but that's all I know. Stoned again for my belief. At least now I can rest in peace to hate. You sin and you begin. You hate, sin. Yeah. brothers in the end. Heureusement, au dernier moment, Marie-Christine est délivrée par les Matones, alertée par Annie Girardot. Annie, en effet, interprète à s'y méprendre le rôle d'une vieille bique. Bique, qui est le féminin de mouton en argot de prison. Ancienne employée de la RATP condamnée pour un meurtre à la poinçonneuse sur un passager sans ticket, Annie a depuis longtemps perdu la raison et se prend pour une balance. Mais j'en ai assez dit, libérez-vous pour aller voir la prisonnière et puisque l'on dit toujours qu'un spectateur averti en vaut deux, ça devrait normalement faire pas mal d'entrées. Un comble pour un film de prison, bien sûr. Albert Algo. We'll be right back. Mon cher Philippe, profitant de la présence de Maxime parmi nous, je ferai aujourd'hui appel à votre mémoire, tout en sachant pertinemment, Maryse me le confirmait hier encore, qu'elle n'est pas d'éléphant, votre mémoire. Mais elle se trompe peut-être. Voilà, je veux parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et qui est un peu le terreau, l'humus spongieux sur lequel Maxime et ce qu'il symbolise à longtemps purent fleurir, les années 70. Les années 70, si lointaines et encore si proches, où l'on chaussait Patogas pour Gardarem ou Larzac, où l'on partait dans un méga délire à l'écoute des quadruples albums live de Jefferson Airplane, où l'on faisait de gros nœuds à nos ponchos afghans avant de les immerger dans des teintures rose indien, même qu'après ça, faisait des étoiles hyper psychédéliques, je te jure, tu le crois pas, où dès que l'on tournait le bouton de la télé, on entendait cette joyeuse rengaine Rink Parade, ou bien Johnny chantant Hamlet, malgré les menaces de procès, de la Royal Shakespeare Company. Albert Algou. Bestell noch einen, in einer hat noch Platz. habe man so viel Spaß. Bestell noch einen, der Reiner geht noch ein. Trinke und fahre, was kann schöner sein? Neben mir die Polizei, jetzt bist ruhig, sonst ist's vorbei. Da kommt raus, frag nichts wie weg, denn sonst ist der Lappen weg. Bestell noch einen, denn einer hat noch Platz. Trinken und fahren macht so viel Spaß. Bestell noch einen, denn einer geht noch rein. Trinken und fahren macht ganz schön allein. Bestell noch einen, denn einer hat noch Platz. Trinken und fahren macht so viel Spaß. Bestell noch einen, denn einer geht noch rein. Trinken und fahren macht ganz schön allein. Mann ist nicht schlecht, jetzt geht nichts mehr. Bin, naja, schon den Verkehr. Ich fahr rechts ran, mach Platz davon und kotz mehr über die Autobahn. Bestell noch einen, denn einer hat noch Platz. Trinken und fahren macht so viel Spaß. Bestell noch einen, denn einer geht noch rein. Trinken und fahren, was kann schöner sein? Bestell noch einen, denn einer hat noch Platz. Trinken und fahren macht so viel Spaß. Bestell noch einen, denn einer geht noch rein. Trinken und fahren, was kann schöner sein? Bestell noch einen, denn einer hat noch Platz. Trinken und fahren macht. Dedicated to our all-time favorite Sandman magazine. That's what happens when I flick my hand. I shouldn't do that. The doctor told me. Shit, we've got to cut our set down quite a lot, so we'll get straight into it. Et oui, les années 70, si proches et déjà lointaines, un peu comme l'on disait d'Hirohito quand il était petit, si jeune et déjà japonais. Maxime donc, qui était au cœur de ce trip kaléidoscopique, affublé de sa vraie gentillesse et de sa vraie barbe, on le retrouvait à l'affiche de tous les concerts de soutien. Du moment que c'était contre, il était pour. Contre le nucléaire, pour le solaire, contre le fascisme, pour le ne passera pas. Contre la guerre, pour la paix, contre Léon, pour Tolstoï, pour Joan Baez, contre les maladies vénériennes, etc., etc. Et puis, plus rien, la traversée du désert. Bien que contrairement à tout ce qui chante, il n'ait jamais participé au Paris-Dakar. Que devenait-il ? Était-il retourné vers la terre-mère en plein cœur de l'Ardèche ? Centre universel des forces telluriques, au sein d'une communauté spécialisée dans le fromage de bique, laissant libre cours à son tempérament zoophile. Après tout, l'album du comeback en 1986 s'intitule bien After Chèvre, un titre qui laisse redouter le pire. S'était-il transformé en tour opérateur, spécialisé dans les voyages de ressourcement du type Paris-Katmandou avec escale à Ibiza, ou plus modestement sur les Paris-Brest, ce qui m'étonnerait davantage puisque Paris-Brest, c'est meilleur sans beurre, et que Maxime est pote avec les beurres. Albert Aldo. We'll be right back. living in a time when misery is just common circumstance. I'm frozen, I'm sublime, I'm searching for some fresh watermelons. My thighs are too big, my head isn't small, my brain is on fire, I'm feeling this fall. My thighs are too big, my head isn't small, my brain is on fire, I'm feeling this fall. Scream your name. So get up on the table and scream your name. Stomach almost every day. I'm singing to the choir, 'cause my body can procreate. We are obsessed with prosperity, yet we don't have no homes. I'm a child of commercials and body language and floating drones. Yet I'm sad by the prospect of damaging change. I look to my elders, I look to women and others who feel our common pain, our common strain. S'était-il reconverti dans la plomberie, petit artisan roulant lui-même ses joints et débouchant à l'acide des tubes encrassés? Eh bien non. La vérité est comme toujours bien plus simple. Maxime, son nom l'atteste, c'est le forestier. Et c'est au cœur du massif vosgien, loin du capharnaüm du spectacle, qu'il méditait sur le pourquoi du yin et le comment du yang. En compagnie de ses amis les bêtes, auprès desquels il rodait son nouveau répertoire. Hélas, tout a une fin. Son ami Roger le Lapin partit tourner un dessin animé aux États-Unis. Son ami Papillon fit de même pour un film avec Steve McQueen et racontant les mœurs homosexuelles d'un pénitencier féminin. Quant à son ami l'ours, il sort aujourd'hui sur les écrans et à mon avis, il va les crever. Seul abandonné, le forestier Maxime dut se résoudre à revenir à ses premières amours. Il reprit sa guitare en bois, le chemin des studios et délaissant pour toujours la musique de chanvre, il se rasa le bas du visage et s'engagea à ne jamais barber nos jeunes d'aujourd'hui avec tout ce que je viens de raconter et qui relève de la préhistoire.